c'est la MyFi. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 25 février 2022, il est 22h à Montréal et vous êtes pile à l'heure pour votre rendez-vous avec la plus belle actualité des musiques de notre époque. Ce soir c'est le 7e épisode de cette nouvelle saison hivernale et nous poursuivons l'aventure entamée la semaine passée, seconde étape de notre danse intime aux côtés de la bouillante actualité Sonic parue depuis ce début d'année. Vous êtes sur les ondes de CISM, bienvenue dans la MyFi. Hey love, say love, hey love, can I wipe away your tears? Oh yeah, I'm no angel, got no halo, ain't no saint, but you're an answer to my prayers. Oh yeah. Ride or die, Bonnie Clyde. Feeling like Valentine's every night. Oh, possibilities. Single life, got you tired, know you're trying. Maybe I'll love you right, blow your mind. Oh, if you will, yeah. Hard work, but we'll make it. Come to me. Oh yeah. Come to me. Oh, it's crazy to explain it, but I want you here, baby. Someone just like you, yeah. Hey. Many nights know you cried, so have I. Thinking we might have run out of time. Oh, I used to feel that love ain't real. Spending my money, time all on you. We can do all the things lovers do. Oh, if you will, yeah. If you will, yeah. Come to me, baby. It's hard work, how the heart works. It's hard work, but we'll make it. We'll make it, baby. Oh, baby, it's crazy to explain it, but I want you here, baby. l'ouverture de ce nouvel épisode de La MyFi avec le premier album d'un londonien de 27 ans né de parents nigériens qui fit ses premiers pas dans la musique dès son plus jeune âge dans l'église tenue par son père pasteur. Un premier long format qui fait suite à deux EP et qui continue de dérouler une soul R&B à l'élégant classicisme sur lequel plane joliment l'ombre des mythiques Delphonics posés sur des arrangements dignes d'aujourd'hui. Nous venons de quitter 816, extrait de Untidy Soul, premier LP de Sam & Show. On enchaîne en restant précisément dans le même domaine tout en y ajoutant une touche supplémentaire de délicatesse. Ce sera probablement un disque qui trônera parmi les meilleurs EP quand on fera les comptes en fin d'année. Nous écoutons Blame, extrait de Bloodline, second EP du trio de Los Angeles, Gabriels. Mornings turn to night and then the night becomes the day. I can't keep up with time. I keep losing still, keep hoping for that when a new can change my mind. Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down? Strolling down these halls of rolling dice and waterfalls, I can't help but smile. Troubled fortunes lies and shambles underneath the flashing lights. Gonna stay a while. Said what I said, it don't matter to me. Can't be a slave if I'm already free. Can't be a captive if it's where I wanna be. Who's gonna catch me when I fall down? Not a slave if I'm already free. Not a captive if it's where I wanna be. Then the crowd calls. Who's gonna catch me when I fall down? We'll be right back. forgot the phrase, still above me. One thing about it, I'ma beat them to the punches. Stumped all day, thinking mama where the love went. With every triplet of trips around the sun, some of the sluds get thick, I'm chipping away at crust. Hold your head, your shit is in for a whole nother bus. Roaming the Citadel, on foot 11 when the spliff gave me a rush. Playing the cuts like a DJ. Let me know if you on Tango or some Lemon Meringue, Wallaby, Soul Stain Gum. Exploring a couple different avenues and staying dangerous, day drunk, yeah. Sometimes the pain sitting fester in the hate, beloved. I'm working on it, it's worth the time. Further down the line, you might realize what's yours, obviously mine. Toss the sword back into the vines. Calling out for Lord, looking low and high. Finally found it at the core of my dimming fire. What's a little lie? What's a little lie? Tell me. Gotta make it straight. Fill the jar. It's hot. The longer you can stand it, the straighter it's gonna be. I gritted my teeth. My eyes watered, my nose was running. I couldn't stand it any longer. And my head caught fire. Really? Kush God, bitch. Real bad man. Yeah. Look, back off me. I'm back flossy. George Kush pushing the button. Black poetry. Nigga been pushed the agenda since tall tees. 10,000 hours. Real nigga still endorse me. Holla at Greg at the spot. Jack Frost me. Canceled the season. Cop the bracelet. That was floor seats. Whole quarantine. I hustle. Stack Gordy. Social distancing for a set by the authorities. Drought hit the numbers inflated on a four piece. Last year's work was premium. I got it all cheap. Old niggas chatting. Don't lose your false teeth. False hope for the youth. Praying they all sheep. The CDC and Dr. Fauci killing more people than Fenty and Doggy. But that's another story. Damn 2020, first COVID and COVID. If I got you out the way, shit, they won't even notice. Won't even notice. That's how it goes out here. 1 minute, you lit. Next minute, gone. I roll a L for those who fell that I torch with honor. I'm the one that they asked nicely not to serve they mama. My lawyer called me, says I heard they on you. The ones who knew you from the jump ain't gonna support you, cause it hurts they on you. Let that set in, carrying my bread in. Married to a bird, we had us a white wedding. I stand on my word, we carry shit like brethren. Told my oldest, make sure I'm buried with my weapon. Cause demons never go away, the blower came. Tucked up on a ship just like a stowaway. I sold it straight. Lost a few, but I still got my top shooters like Golden State. A creeper hit you quick as COVID on the coldest day. Your man's on the gram saying he wants the drama. But when we see him in the street, he the Dalai Lama. He spent 250 on some body on him. And told my bros to smoke you before you hit the jail like the Boston Bomber. Bang. Or like the Boston Bomber. L'association de Real Badman, collectif de Los Angeles, au départ fabricant de vêtements mais faiseur de beats parallèlement, avec le rappeur new-yorkais aux 8 albums en carrière, Smoke Dizzy est soutenu ici par le toujours parfait timbre rauque du MC de Philadelphie, Otis The Real. C'était le titre Live at the Speakeasy, issu du EP Mood Swings, paru en début de mois. Ce fut précédé par un extrait du nouvel et quatrième album d'un des spécialistes des longs formats les plus courts de la galaxie, mais à la réalisation ont toujours réussi, Earl Sweatshirt avec le titre Lie, extrait de Sick, précédé lui par le tout premier EP sous son propre alias du producteur londonien Dargs, associé au producteur et drummer londonien Moses Boyd, pour lequel il avait déjà géré en 2020 son acclamé premier album Dark Matter. C'était le titre The Duke, extrait de l'excellent EP The Duke. Et on poursuit tout en restant à Londres avec un des trois singles éclaireurs annonçant la parution le mois prochain du troisième long format d'une demoiselle aux racines barbadiennes, irlandaises et turques qui continue de sculpter une pop aux accents R&B et aux influences multiples dont le traitement nous séduit de plus en plus sûrement. Son premier single se trouvait déjà dans mon mix de fin d'année en décembre dernier. Son troisième sorti la semaine passée nous a un brin moins captivé. Nous écoutons tout de suite le second paru le mois dernier, intitulé Midnight Sun. Voici Niloufer Yania. Show me how sweet the real. And carry off.

nouveau single éclaireur de la talentueuse et troublante demoiselle néo-zélandaise dont on suit la moindre mimique oblique depuis son Sophomore album paru il y a 5 ans maintenant. Elle annonce ainsi la venue fin mars de son prochain et quatrième long format, un des disques nous sommes les plus impatients de glisser dans nos tympans puisque les deux précédents avaient gravi les 4e et 3e places de nos podiums des meilleurs albums de 2017 et 2019. Nous venons de quitter Aldous Harding qui fut précédé d'un autre single éclaireur, le dernier d'une longue série de 4 pour annoncer un album prévu pour avril, un tout premier long format que nous avons également bien hâte de poser sur nos platines, tant chaque single qui s'est enchaîné est une petite perle pop rock'n'roll qui vise dans le mille. C'était le duo de demoiselles de l'île de Wight, Wet Leg. On continue la balade au sein de la belle actualité du moment et on passe à une série de 4 nouveaux albums, cette fois non pas à venir mais fraîchement sortis. On embarque tout de suite avec une pièce surprenante issue du 5e et dernier long format d'un quatuor brooklynois au contour habituellement plutôt folk, mais justement pas ici, pas sur ce titre aux textures plus électroniques qu'acoustiques, qui se situe précisément à la moitié des 20 chansons de leur opulent dernier LP, un nouveau trait de leur œuvre qui leur va à ravir. Voici Adrian Lenker et les siens, alias Big Sif. Traverser trois nouveaux longs formats parus tout au long de ce dernier mois. Nous venons de quitter un extrait de Laurel Hell, sixième album de la nippo-américaine Mitski, que l'on pourra d'ailleurs croiser le 19 mars prochain à l'église Saint-Jean-Baptiste à Montréal. Elle était précédée par un extrait d'un des plus beaux disques parus depuis ce début d'année. Son précédent album, paru en 2019, s'était déjà installé dans notre top 10 du meilleur de l'année. Celui-ci, sorti aujourd'hui même, ira probablement titiller les sommets de cette année. Pas une seule baisse de tension dans dans l'émotion véhiculée tout au long des 10 chansons de ce nouvel et 12e album d'Emily Wells, qui fut précédé, elle, par un extrait du premier LP qui fait suite à une série de 4 EP amorcée en 2017 de la Demoiselle de Québec aux 12 alias de Ghostly Kisses. Et c'est avec cela que nous nous dirigeons vers la sortie de cet épisode de la MyFi. Un final en deux temps ce soir, nous clôturerons l'aventure avec un extrait du nouvel et 4e album du pianiste montréalais Jean-Michel Blais. Et tout de suite, je vous laisse avec Snow Globes, balade accidentée de plus de 9 minutes, issue du second et nouvel album du band anglais Black Country New Road. Là-dessus, rendez-vous la semaine prochaine, exactement au même endroit, pour la suite de nos aventures au sein des sons d'aujourd'hui, d'hier et de demain. D'ici là, playlist et podcast sont disponibles sur le CISM893.ca, sur iTunes et sur le hifsoul.com. Mon nom est Zikia et c'était la MyFi sur les ondes de CISM. Bonne fin de semaine à tous. Bye. Thank you.